Hey. Je joue pas les rappeurs, je suis vraiment un rappeur. J'ai vraiment des diamants, j'ai vraiment des haters. Je suis vraiment le amant préféré de ta sœur. J'ai vraiment le million. Depuis je suis vraiment plus mignon. Je tire sur le pilon, j'incite tous les petits cons à faire comme moi, à me suivre comme suis con. Spielberg appuie sur les pédales, je suis Ichi chinois sur le guidon. Viens égarer ton hymen à la maison. Je sais que j'ai tort de boire plus que de raison. Red Bull et Fendt donnent des ailes. Vas-y moi aussi je vais louer la tour Eiffel. Je crivais à elle partout comme si j'étais des aides. Elle en fout partout comme si c'était chez elle. Ça sent la mer et on dort sur des serviettes. J'fais la belle étoile, le décor est parfait. Le savoir est une arme, apprends tes leçons. Devant le canon, mouille ton caleçon. Ce monde est cruel comme cet hameçon. Laquelle t'es amoureux, pauvre garçon. Con, ne kidnappez pas, je fais grimper la rançon. On peut doubler à chaque fin de saison. Je suis adoubé même après l'horizon. Imprévisible sans clignotant. Ma troupe partout, je suis papillonnant. Faire de l'argent, c'est passionnant. Je peux sortir de l'nez, je peux sillonner. Tous mes copains, je vais les pistonner. Même s'ils sont nuls, je vais les imposer. De toute façon tout est déjà imposable. Même des fois le trafic de pistolets. Je graille tout le monde, j'ai encore la dalle. Dors sur la béquille, je dors sur la cale. Je sais même pas pourquoi je bédave à balle. Ça me rend parano, je me crois en cavale. Garde ton venin, je préfère quand t'avales. Pourquoi ça te fait plus de bien quand t'as mal? Pourquoi tu fais genre c'est ta première anale? Pourquoi tu fais genre tu connais c'est pas val? AR discret entre frontières et Paname. La R15 a du recul mais ça va. Tu me vois tranquille et tout, mais en vrai j'ai la rage. Euro, euro, euro, c'est quoi cet adage? Ton j'ai trop de merde, c'est du rap ou du tapage. Tu fais de la merde comme ta semaine de démarrage. Garde ton honneur, arrête de faire étalage. Fais des donuts avec la fumée du Jamas. VALD le DC pour des rapages. VALD le DC pour des calages. Je vis en FPS comme avec un calage. Et en POV comme avec un pharmace. Je suis trop déprimé, je vis de la pharmace. C'est toujours les mêmes fils de putain qui ramassent. Le savoir se perd car tout le monde parle trop. J'ai ouvert moins de bouquins que de balles trou. Les prisons sont remplies d'innocents. Les bénédictions d'ignorants. Les prisons sont remplies d'innocents. Les bénédictions d'ignorants, les prisons sont remplies d'innocents. Les bénédictions d'ignorants, les prisons sont remplies d'innocents. Les bénédictions d'ignorants.